Samedi 9 février, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! Prix orange, prix citron de la semaine. J'avais très hâte de la faire avec Marc Diquet cette semaine parce qu'il s'est passé pas mal d'actualité, autant sur la scène locale que régionale. On en parle avec Marc Diquet. Salut Marc! Salut! Marc, j'ai une belle nouvelle à t'annoncer ce matin. D'abord, le Journal de Montréal a décidé d'avoir la page à Jean-Charles, donc ça va faire ta journée, j'ai l'impression. C'est pas une surprise. Ouais. Quand on connaît le style de convergence de TVA, c'était une question de temps. C'était une question de temps avant que ça arrive. Oui, effectivement. Donc, c'est pas une surprise. Donc, Jean-Charles qui se joint au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Marc, j'avais beaucoup de prix orange et citron cette semaine. D'abord, on va commencer avec les tiens. Ben, moi, mon prix orange, je pense que c'est dur de le donner, de pas le donner aux Canadiens plutôt, parce que Canadien, il a eu une semaine incroyable, et surtout Jonathan Drouin, qui est un gars qui a tellement de talent, qui est un gars qui peut revirer un match de bord, ben là, il le fait, il l'a fait contre les Jets de Winnipeg, il a connu quand même relativement une propre fin de semaine, à part son revirement contre les Devils, mais tu sais, Drouin, si ce gars-là s'implique le moindrement, peut changer un match complètement. Est-ce qu'un gars peut devenir régulier après 5 ans dans la LNH? Ça, j'en doute. Mais écoute, ce qu'il te donne là, il te le donne là. Puis, visiblement, le Canadien, il n'y a personne qui pensait que ce club-là allait faire des séries. Il n'y a pas grand monde qui pensait ça. Marc Bergevin. Non seulement, sont en bonne posture, mais l'équipe va bien, malgré certaines blessures à des joueurs importants. T'sais. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment surprenant ce que le Canadien fait là, cette saison. Ouais, effectivement. Puis, Marc, il faut donner crédit à Marc Bergevin. Hein. T'sais, on était très dur à Marc Bergevin, mais Bergevin, écoute, il faut dire que tout le monde a ri de lui lorsqu'il parlait d'attitude l'année passée, mais finalement, forcé d'admettre qu'il avait pas tort. Hein? T'sais, t'en regardes ça, là, il avait pas tort, puis c'est ça. Moi, c'est sûr que j'y en veux un peu à Bergevin l'échange de Weber-Souban, même si Weber va super bien. Le problème du Canadien, à mon avis, c'est si tu regardes à moyen terme, parce que si tu veux gagner une Coupe Stanley, ça te prend Weber et Price. Sauf que le temps va commencer à filer un peu. Donc, ça va prendre un développement assez rapide de Suzuki et de Payling, par exemple, que des autres gars restent dominants. Là, tu pourrais peut-être causer une certaine surprise, puis une bonne transaction à travers ça. Donc, la fenêtre n'était pas si grande que ça avec Price et Weber. Ouais. Mais écoute, oui, puis je pense que la transaction Drouin-Sergachev, c'est une belle preuve encore que des fois, il faut être patient pour analyser une transaction, parce que regarde Sergachev, il joue plus quasiment à Tampa Bay. Il connaît une deuxième année très, très, très difficile. Et Drouin va bien. Drouin a le même nombre de points que l'an passé. Là. Il reste encore plein de matchs. Fait que c'est encourageant pour ça. Oui, effectivement. Mais par contre, Sergachev est encore jeune. Il faut quand même... Les deux sont... Tu sais, je veux dire, cette transaction-là, là, on va se laisser encore 3-4 ans avant de l'analyser. Là. Effectivement. Donc, mais c'est quand même une bonne transaction. Prix citron maintenant. As-tu d'autres prix orange? Parce que... Non, c'est le Canadien. C'est le Canadien, vraiment. Dans le citron, écoute, je descends un petit peu plus bas. Je reste dans le hockey. Ouais. Je m'en vais à Ottawa. Ottawa, c'est débandage. Ça ressemble aux Alouettes. Eugene Melnyk a affirmé en conférence, en rencontre avec les médias cette semaine, que lui voulait gagner une Coupe Stanley vers 2021-2024. Donc, les joueurs qui étaient là, les vétérans, allaient possiblement être sacrifiés. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent pour payer Mark Stone. Il n'y a pas d'argent pour payer Matt Duchesne. Et ces gars-là devront être échangés parce qu'ils tombent joueurs autonomes sans aucune compensation à la fin de la saison. Donc, tu sais, échanger Stone, c'est tel que tel. Mais échanger Duchesne, contre quoi? Je veux dire, ce gars-là va t'avoir coûté un choix de troisième ronde. Pas troisième ronde, un choix dans les trois premiers, là, possiblement. Là, ça va dépendre du tirage. Colorado se frotte les mains présentement avec ce qu'ils ont dans cette transaction-là. Ça va probablement coûter la job à Pierre Dorion, j'ai l'impression. À Dorion, ben là, tu vas aller chercher quoi? Si tu vas chercher quelque chose de merveilleux pour Matt Duchesne, ben là, au moins, tu vas dire, ben, je m'en sors, mais j'ai hâte de voir, parce que si tu veux vraiment faire ça, là, trompe-toi pas. Ben non. Trompe-toi pas dans ces transactions-là, puis je pense que Guy Boucher, dans son cas, il doit capoter. Là, je veux dire, tu sais, quand t'es entraîneur, tu veux diriger les meilleurs, tu veux avoir du fun. Là, l'an prochain, il va être amputé de ses deux meilleurs joueurs d'avant. Mm. Puis il va-tu être là? Je sais pas. Ouais. Ah, c'est pas chic, Ottawa. Là, c'est vraiment Non, c'est pas chic. Puis tu sais, ça va venir avec mon prix orange, Marc. C'est... Ben, t'en as-tu d'autres? Ça va très bien avec mon prix orange. T'en as-tu d'autres? Non, c'est tout, moi. OK. Moi j'ai plusieurs prix orange et citron cette semaine. Mon prix orange, ça va bien avec Eugene Melnyk. Moi, c'est Robert Kraft, le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Sixième conquête du Super Bowl. C'est sûr, tu vas me dire, t'es vendu. Mais écoute, le gars, six conquêtes du Super Bowl, là. Il a réussi à bien... quand il a acheté les Pats, il a réussi à bien s'entourer en nommant Bill Belichick, en ayant cherché Tom Brady. C'est sûr, Brady, c'est un choix de sixième ronde. Par contre, écoute, il fait tout le travail. Et il laisse les hommes de football bien manœuvrer. Puis, tu sais, il fait pas du Joey Saputo, il fait pas du Jerry Jones, il fait pas du Eugene Melnyk. Tu sais, il est très, très low profile, Robert Kraft. Ben écoute, moi honnêtement, ton prix orange au Pats, je le donnerais plus à Belichick qu'à Kraft, parce que Kraft, oui. Kraft, oui, mais ça commence d'en haut. C'est lui qui l'a choisi. Ouais, c'est lui qui l'a choisi. Mais qui maintient les Patriots à ce niveau d'excellence? Ouais, c'est sûr. C'est incroyable. Hey, ce que Bill Belichick fait, là, ouais. Avec, tu sais, la batterie, moi j'appelle ça la batterie Belichick-Brady, là. Mm. Oubliez ça, là. Vous ne reverrez plus jamais ça. Non. Ça. C'est, l'histoire, c'est écrit dans notre face, là, carrément. Ouais. Écoute, le système, hein. Mais par contre, c'est parce que Belichick, on lui donne souvent, puis tu sais, on le dit souvent, mais Robert Kraft, quelque part, on en parle très peu de Robert Kraft, puis moi, je trouve que c'est tout commence par là. Écoute, tu vas à Ottawa, il y a Jim Hennick, c'est tout croche parce que le propriétaire est tout croche. C'est vrai, t'as raison. Tu sais, c'est là que ça commence. C'est la même affaire. Jerry Jones, moi, je trouve qu'il se mêle trop un peu des Cowboys et Dallas. Jouer ça plutôt à Montréal, c'est la... Ben là, j'ai hâte de voir si ça va faire avec Kevin Gilmore. Donc, j'ai hâte de voir. Et mon autre prix orange, ben, c'est très technique. C'est le commissaire Robert Ambrose de la Ligue canadienne de football. Pourquoi je dis ça? Parce que Robert Ambrose, écoute, je sais pas si t'as vu passer ça, Marc. Il est en train de faire différentes... entente d'association avec différentes fédérations de football partout dans le monde. Ça va amener des Mexicains, ça va amener des Français, des Allemands. Écoute, je ne sais pas ce que ça va donner à la toute fin, là, mais avec deux nouvelles ligues de football, l'une qui commence ce soir, moi, je trouve que Robert Ambrose, il est très proactif au lieu de se laisser de dormir. Et puis ça vaut un beau prix orange. T'as raison. Le commissaire de la CFL fait de l'excellent travail depuis qu'il est là. Si, bon, à Montréal, ça va mal, là, je ne trouverai pas de sa faute. Là. Ouais. Mais non, t'as raison. C'est un bon point que t'amènes là. Le gars, il dort pas au gaz, mais pas pantoute. Oui, effectivement. Bon, mes prix citron, j'avais hâte d'y aller avec mes prix citron de la semaine. C'est deux là, régionales. D'abord, d'abord, notre député Richard Hébert. Oui. Écoute, la sortie de cette semaine du maire de Desbiens, Nicolas Martel, à quelque part, ça n'avait pas sa raison d'être. Il me semble que si le député aurait aidé l'organisation du championnat du monde de pétanque, il n'aurait jamais sorti. Et je pense qu'il a fait ça à quelque part, c'était parce qu'il était un peu écœuré de la manière qu'il s'est fait traiter dans ce dossier-là. Et écoute, un député, c'est là pour aider son milieu, c'est là aider son milieu à se développer, à se démarquer. Puis ce championnat-là, je suis allé là, puis les hôtels étaient pleins partout. Il y a eu des retombées économiques, une visibilité incroyable. Écoute, c'était diffusé en France, là, en direct. Là. Fait que quelque part, là, tu n'en verras plus jamais ça. Puis le député qui fait la sourde oreille, là, il semble-t-il qu'il va l'aider, mais il a fallu que Nicolas Martel demande des résolutions des villes pour faire réveiller M. Hébert. Moi, quelque part, là, c'est bien beau se faire poser avec Mélanie Jolie, puis ainsi de suite, mais ça donne pas grand-chose au milieu, puis j'ai hâte de voir ce que ça va faire, ce dossier-là. Ben, les élections approchent, mine de rien. Ouais. Puis, honnêtement, M. Hébert, je suis au Saguenay, là, OK? Donc, je sais, je suis pas à Dolbeau régulièrement, non. Là, pour Lac-Saint-Jean non plus, mais j'en entends pas parler, ben. Ben, moi, j'en entends parler, mais on entend parler des photos. C'est des photos qu'on entend parler. OK. Fait qu'il y a des photos, mais des photos avec qui s'est fait poser avec Mélanie Jolie, puis qui a rencontré un tel, puis qui a rencontré un tel, puis qui a... Tu sais, ça donne quoi à la fin de la journée, là? C'est clair. Pas grand-chose. Et mon deuxième prix, si ton Marc, je vais te poser une question avant de le donner. Toi, ça t'arrive-tu de parler de la Ligue du Lac aux Fleurs? Je manque de temps. Je manque de temps. C'est pas que je veux pas, mais dans un bulletin de sport là, qu'on essaie de tirer le plus large possible. Je sais que cette ligue-là, ça travaille fort. Il y a du monde, il y a du bon monde là-dedans. Il y a des gars que je connais là-dedans. Mais honnêtement, je manque un peu de temps. Là. Bon, moi, je peux te dire que la Ligue du Lac au Fleuve, je faisais une chronique avec eux autres, une chronique par semaine pour donner un petit peu toutes leurs informations et ainsi de suite. Puis on a décidé de l'arrêter parce que semble-t-il que je suis un média tout croche. Puis semble-t-il que c'est pas le genre de la Ligue du Lac au Fleuve de s'associer à un média tout croche. Et deuxièmement, je veux rien que parler du multiconcessionnaire. J'ai juste une chose à répondre là-dessus. Pour un média tout croche, c'est quand même des noms assez crédibles qui passent à Dan Radio Sport. Puis deuxièmement, le multiconcessionnaire. J'espère que je veux parler du multiconcessionnaire. Toi, au Saguenay, quand j'écoute Radio X, ça parle quasiment juste de Chicoutimi, puis c'est normal. Je te dirais que dans le sport, le plus loin que je me rends, c'est Alma avec le collégial, voilà. Football et le collégial hockey. Fait que, donc, quand il y a des événements... Quel est les événements spéciaux, on va en parler. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je te dirais ça. C'est pas mal de la poutine interne, là, mais tu sais, je veux dire, quand tu fais un bulletin le matin dans une émission généraliste, tu peux pas, malheureusement, aller partout. Là. C'est évident. J'ai pas le temps. C'est ça. Et voilà, et moi, c'était justement pour ça que je faisais ça. C'est ça ton importance. T'sais. C'est ça mon importance, puis on a décidé de l'arrêter parce que supposément que ça lui. Je suis n'importe quoi. Fait que belle marque de reconnaissance. Puis quelque part, je trouve ça plate. Moi, la Ligue va survivre. Je vais survivre aussi. Par contre, quelque part, moi, c'est ma mission là, de donner une chance à des organismes, à des sportifs qui n'ont pas nécessairement le temps d'antenne ailleurs. Ouais. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt parce que les médias n'en parlent pas. Je trouve ça plate. Mais non, je trouve ça plate. Très plate. Internet a changé la game, c'est le cas de le dire, pour plusieurs organisations comme ça, tu sais. Puis, sauf que je suis convaincu qu'il y a des joueurs, des coachs, il y a des dirigeants de la Ligue qui vont entendre ce que tu dis là. Puis, il y en a peut-être là-dedans qui ne seront pas d'accord. Puis, ils vont peut-être avoir un téléphone cette semaine. Là. Ben, c'est ça. À un moment donné, là, puis de toute façon, moi j'ai tellement de sujets à traiter que je vais très bien dormir. Mais c'est parce que je trouve ça plate que la Ligue... Écoute, la Ligue... Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis un petit média, je suis un grand média. Et quelqu'un m'a dit, moi, il n'y a pas de gros puis de petits médias, il y a des médias. Si une chronique attire trois personnes à une game, c'est cette fin de semaine-là, ou cinq personnes, c'est trois ou cinq personnes de plus. Mais c'est trois à cinq personnes-là qui vont voir la game, qui ont un bon show, ils vont peut-être en fait. Tu sais pas, là. Il n'y a pas de mauvaise publicité, là. Tu sais, même si c'est gratuit, plus gratuit dire qu'un autre, y a pas, c'est ça. Puis c'était gratuit. Donc, moi, je trouve ça plat. En tout cas, bref. Marc, un gros merci pour cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Notre collaborateur, Marc Duquet.